Bonjour les amis, je suis Lily la limace. J'adore faire des grimaces. Je ne tiens pas en place, même les jours de classe. Mes parents se lassent. En plus, je ne mange que des glaces. Pour moi, la vie est palace. Enfin, était. Depuis hier au soir, je suis plutôt mal. Mon père a dit « Lily, cela suffit. Il est temps pour toi d'aller faire ta vie. » Faire ma vie? C'est quoi faire sa vie? Là, je fais quoi? La vie d'une autre? Là, tu vis. Oui, mais tu vis chez nous. Et la vie, ce n'est pas cela. Tous tes amis sont déjà partis. Il est arrivé le moment pour toi de vivre vraiment. Tu seras heureuse. Nous le serons aussi pour toi. Je suis partie dehors. Tu parles. Heureux pour moi. J'entends ma mère qui pleure et mon père qui renifle. Tu parles d'un bonheur. Partir. Mais pour où? Et vers quoi? Bon, une nuit de sommeil et tout sera redevenu comme avant leur nouvelle lubie. Ce matin, en allant prendre mon bain pour réfléchir à ce que je devais faire, comme ils disent, ma vie, si jamais ils ne m'ont pas oublié. Au moins, je saurais quoi dire si mon père me dit il est temps de prendre ta vie en main. Avec sa grosse voix, celle qui prend quand son cœur lui dit non et que sa tête lui dit oui. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser. À peine lavé, voilà que mon père m'appelle dehors. Lily, le mieux est de commencer par te trouver une maison. Oui, une maison. Et je trouve cela où? Tiens, ta mère t'a fait ce petit baluchon. Il y a de quoi tenir jusqu'à ce que tu te débrouilles seule. Mais on trouve où ces maisons? Il y a une boutique pour cela? Va tout droit. Arrivé au croisement au bout du champ. Prends à gauche et continue jusqu'en Bourgogne. Prends bien soin de toi. Je t'aime. Nous t'aimons, ma fille. Et voilà comment je me suis retrouvée sur cette route qui n'en finit pas. Seule, pour la première fois. Cela fait bien 3 heures que je suis partie. Et toujours pas de croisement. Seule, pour la première fois, c'est plutôt sympa. Mais au début, c'est peut-être toujours comme ça. Peut-être bien qu'après, j'aurai les fois. Ouf, le croisement. À droite. Non, saute que tu es, à gauche toute. Je suis fatiguée, j'ai faim. Je ne m'arrête pas, je ne dois pas. La nuit va arriver, je serai encore sur la route, sur cette route sans fin. Mais où est cette fichue Bourgogne? Le soleil se couche là. Sûrement. Lily a la peau qui se froisse. Lily a la peau qui se froisse. Lily a la bave qui poisse. Lily a la bave qui poisse. Lily a la faim qui croisse. Lily a la faim qui croisse. Lily sans monter l'angoisse. Tout toute la journée j'ai voyagé. Je suis morte de fatigue. Tant pis, je vais mourir là, seule, dans le froid, dans le noir. Lily se pose sur le bas-côté et se met à pleurer, de fatigue, de faim, de peur aussi. Elle se dit que tout est fini, elle ne vivra plus. Elle est punie d'avoir trop joui de cette belle vie auprès de ceux qui la lui rendaient si jolie. Bonjour ou bonsoir, jeune fille, il ne faut pas pleurer. Lily a peur, il fait presque noir, elle est seule sur la route et là, un inconnu lui parle. Ne pas montrer ma peur lui ferait trop de bonheur et cela serait pour mon malheur. Si je dois mourir, il faut le faire la tête haute, voix de limace. Lily renifle, redresse la tête, ne voit qu'une nombre. Je ne pleure pas, je suis enrhumée. Que fais-tu seule à cette heure? Es-tu perdue? Ne pas lui montrer que oui, je suis perdue. Oui, je suis seule et j'ai peur. Je suis une grande voyageuse et je cherche juste le lieu où je veux me rendre. Il ricane ce malotru. Au lieu de te moquer, peut-être sais-tu où se trouve la bourgeonne. Il ricane de plus belle. Pour une grande voyageuse, tu devrais déjà te souvenir du nom exact. N'est-ce pas la Bourgogne que tu cherches? Si. J'ai dit la Bourgogne. Ne serais-tu pas à la recherche d'une maison? Pourquoi cette question? Parce que si c'est cela, moi je peux t'aider. Ben voyons, et puis après, il me mange, ou pire, il me fait sa chose. Vous voyez de quoi je veux parler? Merci, je n'ai besoin de personne. C'est faux. On a tous besoin de quelqu'un. Eh bien, pas moi. Toi comme les autres. Peut-être même plus que d'autres en ce moment. Tu me fais perdre mon temps. Pousse-toi, je reprends ma route. De nuit, par ce froid, tu ferais mieux de venir avec moi. Et puis quoi? Je lui sers de repas ou de fille de joie? Merci, mais cela ira. La Bourgogne ne doit pas être loin, et beaucoup de mes amis m'attendent. Oh, le vilain mensonge! Tu n'es attendu par personne, sinon par ta vie. Pourquoi ne pas me suivre? Tu seras au chaud, tu mangeras, et tu dormiras dans la maison que j'ai trouvée, qui est bien jolie. Le suivre? Mourir au chaud après avoir mangé, ou il me chauffe et me mange après. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que je savais que tu viendrais, je t'attendais. Non seulement c'est un tueur, mais en plus un fou, un tueur fou. C'est bien ma veine, mourir sans aucune classe. Non, ce n'est pas le destin de Lily la limace. Si seulement j'avais une godasse pour lui mettre en pleine face. Tu m'attendais, tu te trompes de limace, désolée. Il faut que je passe. Non, c'est toi, je le sais, mon cœur le sait. Son cœur maintenant. Je cherche une maison, rien d'autre, pour me reposer. Moi, Lily la limace qui n'aime que les glaces, me voilà tombée sur un tueur fou qui a un cœur, qui sait que moi, la limace, est celle qui l'attend. Tout cela est dément. Mais où est ma maman? Lily la limace, c'est joli. Psst, j'ai pensé à voix haute, quelle faute. Mais non, si tu ne parles pas, si je ne sais pas tes craintes, comment veux-tu que je t'aide? Il faut parler, communiquer, comme disent les grands. Les grands ? Pourquoi t'es quoi, toi ? Tu ne me vois pas, oh l'idiot. Attends, j'ai une lampe poche. On dit une lampe torche. Non, poche. Mon père me l'a mise dans ma poche quand je suis partie. Tu es partie ? D'où ? Bah, de chez mes parents. Ils m'ont dit, il y a 2 jours et 3 nuits. Mon fils, il est temps pour toi d'y aller. Et de faire ta vie, ils me l'ont dit aussi. Ils ont ajouté, trouve vite une maison achetée, car bientôt arrivera celle qui est pour toi. Un soir, à la nuit tombée, elle sera là, devant toi. Tu ne pourras pas te tromper, ton cœur, lui, saura. Et voilà, j'ai acheté la maison, et toi, tu es là. Une maison pour deux ? C'est quoi ce jeu ? Ce n'est pas un jeu. Enfin, peut-être, mais alors un jeu amoureux. Mais qui es-tu ? Oups, je suis sot. Mon nom est Louis. Regarde, je suis... Louis allume sa lampe poche. Une limace ! Tu es une limace ! Un mâle limace ! Eh, bien mignon ! Oui, Louis la limace. Pour toi, ma Lily la limace. Mais, et ta maison ? Ma maison ? Ta maison, ma maison, c'est la même maison. Ce sera notre maison, que tu aménageras à ton goût, si tu veux bien. Une maison, un mâle limace, c'est beaucoup pour moi d'un coup. Tu sais, pourtant, je suis sincère. Veux-tu vivre avec moi, ma Lily ? Vivre avec toi ? Mais on ne doit pas se dire « je t'aime » avant ? Oh, je ne sais pas le dire, ni l'écrire. Oh, alors, je ne peux pas aller avec toi. Sinon, je serai ta chose, et cela jamais. Je préfère mourir là, seule, dans le froid, dans le noir, sans espoir. Je ne sais pas le dire ni l'écrire, mais je sais le chanter. Chanter, c'est pareil à mes oreilles. Et je crois bien encore plus à mon cœur de limace. Suis-moi, allons chez nous. La la la la la, je t'aime. La la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la, je t'aime. Depuis, quand on passe près de ce champ en Bourgogne, on entend comme un bruissement venant du vent. Mais si vous avez le cœur et l'âme encore en éveil, arrêtez-vous, écoutez et entendez. Le vent porte ce message, car à tous les moments de leur vie, deux petites limaces cherchaient une maison. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, je t'aime. La la la la la la la la la la la la la la la la la la, je t'aime.